1 Val d'Oise, Seine-et-Marne. Hip hop à l'ancienne, cousin. MYSTIK AKS. Comme tu sais, on est all, ça fait. À l'époque, le hip-hop, il racontait ma vie. Je me reconnaissais dans les sons d'Arsenic West Presti. Aujourd'hui, je me reconnais plus, c'est bizarre. Pourtant, ça fait 23 piges, j'habite dans le même Tchéka. En 9-8, ça parle de galère, de prendre la fuite, de flic. En 2008, ça parle de schneck, de montre en or, de fric. Wesh, mystique, raconte-moi l'industrie du disque. Dans quel quartier les dingues montent leur flingue sur des stickers. Aujourd'hui, n'importe qui s'improvise rappeur. À l'époque, je rappais mes textes dans ma chambre tellement j'avais peur. Pas des gens, mais du niveau. Fallait se montrer à la hauteur pour pas finir dans le caniveau. Aujourd'hui, à nouveau, que des rappeurs à l'eau de brosse. C'est la course en plus en froid et ils en oublient les vraies choses. T'as une équipe, tu pèses, tu niques, mais t'as pas d'éthique. Si ça amenait du fric, tu ferais de la tectonique. Je souhaite le retour du rap authentique. Eux, ils font galerie, faut faire quelque chose. Le son est à agonie. C'est à cette époque du rap où y'avait pas de fric, y'avait pas de clip, pas de contrôle d'image. Fallait juste savoir rapper si tu voulais qu'on te remarque. Un beat, un mic, un stick. C'est à cette époque du rap où y'avait pas de fric, y'avait pas de clip, pas de contrôle d'image. Fallait juste savoir rapper si tu voulais qu'on te remarque. Un beat, un mic, un stick. Le RAP c'est pas un jeu, Roya. Pousse le volume, c'est sérieux, c'est pas Chantal Goya. Va te falloir des grosses balanches si tu viens d'arriver. N'oublie pas d'où tu viens si tu veux pas dériver. Hex, vois plus loin que le bout de la tête. Nique leur game, t'as les têtes. Pense à ceux qui sont restés à Meknes. Wesh, Sabi, Ajigouli. C'est triste à dire, Haralina à cause du fric. Alors qu'il est l'industrie du disque, c'est le dernier de mes soucis. Moi j'ai bloqué à l'ancienne, un beat, je le bousille. C'est plus les chiens, c'est les hommes qu'on dresse. Tu veux du rap, t'as ça, tu fais toc toc à mon adresse. Demande à qui tu veux, le niveau baisse. Je me suis mis en mode pause, ils ont pris mon silence pour une faiblesse. Y'en a plein qui se sont saignés pour cette vie qu'avant de rentrer dans la cabine va te renseigner. Rien à cette époque du rap où y'avait pas de fric, y'avait pas de clip, pas de contrôle d'image. Fallait juste savoir rapper si tu voulais qu'on te remarque. Un beat, un mic, un stick. Rien à cette époque du rap où y'avait pas de fric, y'avait pas de clip, pas de contrôle d'image. Fallait juste savoir rapper si tu voulais qu'on te remarque. Un beat, un mic, un stick.